On nous invite vers la mort à très bien engraisser, pardon. Ah oui, on nous encourage. On nous encourage, on vous invite. On nous, hein, oui, vous êtes invités. Ah, jusqu'à 2h du matin, vous êtes invités! Mais là, on nous invite vers la mort après avoir bien engraissé le rouage économique. Merci la vie! Une autre. On ne fait pas dans la dentelle, mais dans la laine d'acier. Ouais. Aujourd'hui, le lundi 1er mai 2023, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kéké. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! C'est le printemps, ça sent l'été. Ça sent l'été, les petits oiseaux heureux, les amoureux impudiques s'embrassent le bout des lèvres. Amour, l'amour, recréons l'amour. Tout le monde ensemble. L'amour, l'amour, recréons l'amour. Mes amis, membres et non-membres de CKRL, je suis fier d'avoir participé au Radioton de CKRL. Et le Radioton, lui, vient tout juste de se terminer. On les applaudit. C'était merveilleux. Nous étions accrochés à leurs lèvres. Et en début de nuit, nous allons décompresser et délirer un peu. Alors moi, oui, j'écoute ces CKRL pour le plaisir et surtout parce que ma femme, Gaétane Brisebois, elle adore le jazz. Elle ne vit que pour le jazz. Elle se dit elle-même une jazz woman. Là, je dis, hey, toi, reste dans le francophone. Sinon, on divorce. Elle dit, ouais, sérieux, donc ça fait 52 ans qu'on est ensemble. Puis, il n'est jamais trop tard. On divorce. Si tu veux t'enligner, si tu veux faire des petits clins d'œil à Shakespeare, moi, j'ai rien contre. T'es libre, mon épouse. T'es libre. On est pour le meilleur et pour le pire, mais maintenant, on sent que le pire va arriver. Je ne provoque rien. Quoique, tu sais que Pamela Anderson m'a appelé hier. Je n'ai pas répondu. Non, je n'ai pas répondu, mais moi je n'ai pas répondu. Ah non. Parce que, de un, je suis pas l'homme hein, du premier téléphone. Surtout derrière la tête. C'est pas parce que ça sonne que je réponds. Jamais. Ah non. Moi, j'ai appris. Hein. Je sais pas. Moi, ma ligne téléphonique, là. Parce que j'ai deux téléphones. J'ai un téléphone fixe. Pourquoi j'ai un téléphone fixe? Je sais qu'il y a des gens là, qui se posent la question. C'est intanant, ça. Je plafonne. Je vais descendre un peu. Je sais que les gens me disent, un téléphone fixe, c'est bien beau, là, mais pourquoi t'as ça? Plus personne aujourd'hui, en 2023, ont un téléphone fixe. T'es pas une entreprise. Quoique les entreprises, hein, une petite entreprise maison, là, c'est le cellulaire. Comment ça, t'as ça, cette affaire-là? Je suis peut-être à l'ancienne, là, mais j'ai un système d'alarme. Puis le système d'alarme est branché sur le téléphone fixe. Pas de téléphone fixe, pas de système d'alarme. Ben voyons donc, t'es pas Bluetooth, toi! Ça existe-tu, des systèmes d'alarme Bluetooth? Écoute, ben, débranche-toi et tout ça. Achète-toi des caméras. Branche ça sur ton cellulaire intelligent. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que j'ai pas de cellulaire intelligent. Ah, mon Seigneur! T'es-tu né avant ou après, Zoé? Zoé, Robin Crusoe, mais non, c'est pas, c'est Moïse. J'ai oublié ma ligne. Quoique, quand je vais à la pêche, j'en prends-tu des brochets? Ils sont pas juste en dessous de l'eau, hein? Il y en a qui marchent à deux pattes, des brochets. On est entouré de brochets, Mme Tremblay. On est entouré de brochets, puis je suis sûr qu'aujourd'hui, vous avez parlé avec plusieurs brochets. De deux, parce que je sais que vous êtes, oui, vous êtes pour la fraternité amoureuse des gens heureux. Nous en font partie. Oui, j'en fais partie. Nous en faisons partie. Elle en fait partie. Peut-être l'autre, mais on ne le sait pas. On va lui demander. Ça ne vous intéresse pas, moi non plus, ça tombe bien. Non. Elle n'a juste qu'à s'inscrire, puis on va le savoir. Hein? Est-ce que vous avez... vous recensez, vous, là. C'est insensé des gens qui ne font pas de planification comme ça. Ah, c'est insensé. Pour téléphone fixe, là, système de sécurité là-dessus, là, débranche-moi ça. Moi, te dire pourquoi, parce que t'as plein d'appels, là. Puis en plus, moi, là, ce que j'ai fait... j'ai appelé pour que mon téléphone soit masqué, tu sais, pour pas que les vendeurs m'appellent, les vendeuses m'appellent, partout à travers le monde, et surtout dans une langue que je connais pas, qui est l'anglais. Il y a l'anglais, mais il y a une autre en langue. King Kong, il est un peu, là. Il est couché dans mon lit, là. Oui. C'est mon grand fandant, là. J'ai un fils, quand je me lève, son lit n'est pas assez confortable, ça va coucher dans notre lit. Mon mari n'aime pas ça, il trouve pas ça, c'est vrai, c'est pas très hygiénique. Lui, il se lave plus. Ah non, il a 21 ans, il se lave plus. Et il veut plus décoller de chez nous. Ben beau d'ouvrir la porte, dire, hey, c'est beau dehors, hein? Il reste là. Si on y a une... ah, il faut lui amener ses céréales. Son café, parce qu'il boit du café comme... Puis là, je dis, ça t'active pas de boire du café, ça te... Tu sais, ça t'allume pas, t'es, y a pas des neurones qui fonctionnent, là. Moi, je t'ai fait avec ta mère. Ta mère, elle est toute énervée, toute azimut, prête à faire n'importe quoi, n'importe où, puis avec n'importe qui. Ça dépend quoi, là. C'est pas une femme facile. Elle est assez difficile. Ah oui, pas trop cuit, là. Puis avec des oignons. Tranché assez mince. Moi, j'aime ça grossier. Mais là, nous, on est tout excités, puis toi, t'es... À un moment donné, là, ta phase d'adolescence, là, de 13 à 17, ça peut aller même à 16, là, j'exagère, 17. Il faut que tu te réveilles. Moi, t'envoyer dans un endroit, là, où on va te dire, réveillez-vous. Puis si tu te réveilles pas, ils vont t'endormir avec leur... Ils vont t'endoctriner. Ah, c'est l'endoctrinement. On aime tout ça, se faire endoctriner. Hein? Endoctriner. Ça nous donne de la poudre aux yeux et de la gélatine au nez. Ah oui, c'est parce que c'est... Puis on veut pas se moucher. On veut pas se moucher parce qu'on veut rester dans notre univers que... On veut nous remplir, puis ça nous dérange pas parce qu'il y a un vide en nous. Puis ce vide-là, ben on veut prendre n'importe quoi. Puis on ne fait pas de... Quand je dis n'importe quoi, on ne fait pas de sélection, là. Si on te dit que la Terre est triangulaire, tu vas dire, OK, elle est triangulaire. Puis, t'as-tu des petites preuves? Ah ouais, on a des preuves. On va t'envoyer ça, là. Comment tu veux sur PDF? Sur HTML? Sur JavaScript? Sur Flash 4? On est rendu avec la Flash comment? Flash 4, ça prouve, hein? Moi, j'ai fait des sites Internet, moi, là. Oui. Moi-même, en personne, là, celui qui te parle. Parce qu'il y a quelqu'un qui te parle, là. Non, t'entends pas des voix, malheureusement, là. Non. Il y a une radio. Cette radio-là diffuse du son. Aussi de la musique. Il va en avoir de la musique. Pleure, arrête de pleurer. Ah, oh, mon Dieu. Elle est auto-sensible, hein? Ah, oh, bah. Mais j'aime ça, moi. Mieux vaut être auto-sensible que auto-renfrogné. Il n'y a rien à sortir de là. Toi, ça va. Après, il ne dit plus rien. Puis, hier, ta soirée d'hier, pas aujourd'hui, hier, là, oui, tu t'es couché, mais avant que tu te couches le lendemain, hier, on est aujourd'hui, OK, je ne réponds pas, il est là, il fait pas le son, mais il a la bouche ouverte, il n'y a pas de son, pas de respirateur, non, il n'est pas mort. Puis c'est pas, c'est pas une poupée qu'on a achetée à Pigalle, là. Quoique, mon beau-frère, lui, s'en est acheté une, hein. Une belle poupée, elle est toujours surprise de Elle fait pas le mais elle a toujours la bouche ouverte comme ça, elle faisait Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ouais, écoute, ça m'occupe, là. J'étais tout seul. Puis moi, je te fais croire, mais je suis pas à la Pigalle. Ah, non, mais je savais que c'est cohérent. Il y avait quelqu'un qui allait à la Pigalle régulièrement. Quand je te dis régulièrement, c'est deux fois par année. Fait qu'il doit avoir un Pigalle sous roche pour y aller aussi souvent, là. Ça fait quelle heure j'ai correspond avec lui? J'ai correspond. J'ai pas correspondu, moi j'ai correspond avec lui. J'ai demandé, c'était qui ce moineau-là? Tu sais, c'est un moineau rare, puis heureusement qu'il y en a des moineaux rares, là. Il n'y en a pas beaucoup, là. Puis, il n'est pas rare pour être rare. Il est naturellement rare. Eh, monsieur, c'est du rare en bord. Oui, ou de l'horreur en bord. Pour certains, c'est de l'horreur en bord. Tant mieux. Faut éloigner les brochets. Ah ouais, le vieux brochet. Ah ouais, le vieux brochet. Deux vieux jambons s'en vont saignant. Ah ouais, le petit brochet. Ah ouais, mon petit papin. Ah ouais, le petit. Ah ouais, le gros brochet. Deux gros jambons s'en vont saignant. Ah ouais. Sur terre. Est-ce qu'on sait, qu'on sait, qu'on sait tout faire? On va changer. Mais là, si tu les fais trop ronds, tu risques de faire simplement un rond. Puis essaye de te blesser sur un rond. Ça peut arriver. Tu peux te brûler. Ben oui. Un rond de cuisinière. OK, tu es un cuisinier, un gastronome. Ah oui, toi, tu t'adores une chose. Je ne la dirai pas. Oh, pour les initiés, quand ils savent ce que je veux dire. Là. Oh, oh, j'ai un public. Oh, là, arrêtez donc. Oh, pardon. On est excités, hein? On dirait que le Radioton nous a électrisés. Quand tu dis électrisé, pas besoin d'avoir une consommation d'énergie pour être électrisé. Puis moi, il y a peut-être des chercheurs, pas des chercheurs, comment tu les appelles? Des pompeurs d'idées? Non. Non, des inventeurs. Pourquoi pas trouver, tu sais, des senseurs? Quand tu bouges beaucoup dans ta maison, ça fait de l'électricité et tu peux vivre dans ta maison avec ça. Fait que si t'as des chiens, des chats, des souris, des hamsters en cage, tu sais, pas malheureusement des souris dans ta maison sans que tu le désires, ou des rats, tu sais, quand t'es... À une certaine époque, nous étions des adolescents. On en a parlé tout à l'heure, quoique lui, c'est un adolescent canardé. Non. Simplifié. Oui. Il se prend pour un simplet. C'en est un à sa démesure, mais pas tout à fait. Allons-y vers la réussite. Où se trouve la réussite? Bon, tout le monde aimerait connaître la rue de la réussite. On l'emprunterait souvent. Peut-être qu'il devrait faire pas le plancher, mais quoi que moi, je mettrais ça en plancher flottant. Pas en ciment, peut-être en pierre, comme dans une certaine époque. Si vous passez dans le Vieux-Québec ou un peu partout, là, tu sais, dans les vieilles villes, il y a le vieux Trois-Rivières, il y a-tu le vieux Sherbrooke? Il doit y avoir un vieux Sherbrooke. Un vieux Matane. Un vieux, c'est un vieux, tu vas me dire, là, quand c'est une vieille ville, mais il y a le côté un peu plus d'actualité et celui-là qui est plus pépère. Tu sais, les routes n'ont pas changé, c'est des pierres. On va faire un petit tour de calèche. Il y a deux, trois petits chevaux qui vont t'aider à monter ça puis à te faire visiter. Ici, c'est bien sûr le philosophe Einstein en Pantong qui est décédé en 2022, malheureusement, suite à ce que on nous fait croire que la pandémie... Non, non, on ne fait pas... La pandémie, ça existait, mais il nous fait croire qu'il est décédé de la pandémie. Quoique, son épouse nous a divulgué hier au soir, avant de préparer cette émission, parce que tout ça, c'est préparé, là, c'est pas improvisé. Les textes sont pauvres, vous allez me dire, ah, c'est pauvre ces textes-là, mais c'est tellement pauvre, c'est pas parce que tu payes pas que c'est riche, hein? C'est pas parce que tu payes que c'est riche non plus. Faut demander à la matière grise, là. La matière grise, où est-elle actuellement? Elle se repose. Donc, à toutes les semaines, le lundi, de minuit à deux, ça se repose, cette affaire-là, là. Il n'y a pas d'intelligence. Pendant 2 heures. À chaque semaine. Puis on trouve ça normal? Oui. Bon. Qu'est-ce que la normalité? C'est ce que la majorité des gens font. Ça, c'est... Bon, on sort pas de là. Vous avez raison. Oui, oui. On vous l'accorde. Oui, on vous l'accorde. On vous donne de la corde si vous voulez aller plus loin. Faites attention. Au bout de la corde, il y a un élastique. Ça, c'est comme le boomerang. Quand tu le tires, il revient. L'élastique, si tu vas trop loin, il n'est pas assez fort pour venir, il va te rechercher. Puis quand il vient te rechercher, là, lui, ici, il ne mesure pas. Il va selon sa puissance élasticaire, élastiquée, élastico, élastiquée. On ne fait pas d'investigation là-dedans, mais le lien entre l'élastique et la physique, hein, c'est pas physique, c'est élastique. Ça peut te revoir, mon Dieu. Hey, on a vu là, des catastrophes. Ah, des catastrophes. Mais Mme Thibodeau, elle prenait son café, là. Son mari est parti, avait mis l'élastique parce qu'elle connaissait un peu. Lui, c'est l'oiseau là, qui « je m'en vais, je reviendrai peut-être aujourd'hui ». Mais il revient tout le temps, mais on ne sait pas quand. Là, surtout, c'était le jeudi, jour de la paye. Puis elle savait très bien que lui brûlait ses payes, non pas avec un chalumeau ou avec un briquet, mais en allant dans les bars, il faisait le tour de tous les bars. Puis là, de son travail jusqu'à chez lui à pied, parce que c'est quoi, c'est 20 minutes. 20 minutes. Mais il y avait 8 bars. Puis il faisait chaque bar. Premier, il était gay, hein, il était tranquille. Là, il revenait du travail un peu piteux. Là, mais la semaine était difficile. Ah, oh, bon, il avait connu des brochets. Il avait côtoyé des brochets. Puis... Là, il croyait plus dans le monde. Non, le monde était rien. Puis, il voulait, puis lui, c'était un grand pêcheur. Puis il voulait s'arrêter d'aller taquiner la truite. On revient là-dessus souvent. Hein? On revient souvent là-dessus. Ça, si vous faites des retours en arrière, on parle souvent de truite et de pêche. Parce que nous sommes des pêcheurs. Donc, on continue. L'histoire est belle, là. Était en vogue. Désormais on les a remplacés par des digicodes. Dans ma ville il n'y avait pas de parc maître. Je voyais des ouvriers manger des sandwichs à l'omelette. Le passé me revient comme un bill. Ok, la présence d'un passé omniprésent n'est pas passé. Les halles supplantées par le cost. L'allégorie des Madeleines file à la vitesse de Proust. L'air y était pur, Paris plus beau. Désormais le ticket de métro augmente comme le nombre d'autos. Oh shit, à la télé y'a plus de speaking. Y'a des films de série B que j'estime à 15 centimes. Les têtes nous plaquent, ces films de 3 pieds 7 que je mate, mais mon intellect constate qu'ils sont obsolètes. seul être mes styles et la phrase qui suivra. L'homme qui capte le mic et dont le nom possède double à la variété statique solaire, l'arbalète qui pique cette digue solité à little elite. Qui élabore depuis des décennies une main basse sur mon art pour qu'il avance au ralenti. Mais le grand Manitou, Manitou, t'inquiète, il démasque la musique à masque et la place en hypothèque. Puis inscrit en italique sur son agenda le top des trucs qu'il n'aime pas. Bref, pour être clair et net, le ventricule s'accompagne de l'oreillette. Comme à mes oreilles, la variette, sa coquine et rime avec pop soleil. Obsolète est aussi l'allumeuse qui portait des barésies et empestait le patchouli. Pour des services rendus, elle me dit je te paye en nature et je reste stoïque quand elle me tend des confitures. Ceci est oublié quand au mois de décembre, elle me téléphone et me dit passe me prendre. Bref, j'en abuse avec des lectations, douce comme de l'hydromel, je suis en affection. Puis me glisse, m'immisce entre les cuisses, lisse de la mise, ses yeux se plissent et elle dit stop ton vice. Je suis comme une balle, elle joue le rôle d'une raquette, l'endormeuse, allumeuse, se prend pour une starlette. Message que dans les cinémathèques, t'es presque galipette, des huettes sont classées dans les séries B au rayon obsolète. Pour des Américains, le rap est social donc s'adapte à une société donnée. Je le fais de manière artistique au lieu de me plaindre comme un bébé. Le néo-griori aux éclats, il est de Paname. La différence est faite, il préfère Tom à l'oncle Sam. Paris ne rit pas de moi car je parie sur Paris. Ripa ne rit pas de nous parce qu'on rit pas sur Ripa. Ne rit pas, le son de Ripa s'exporte à hors de Ripa. Bali, Cali, Delhi, Mali, Paris a donc tenu son pari. Fatal et létal, je m'étale et dans les analyses à l'occidental. Comme dans le mode médical, précision chirurgicale. Et le coup de bistouri qui te coupe de la tête comme une lame de gilette. En fait t'es obsolète. Et puis lui il faisait des bars, il y en avait à peu près 8, de bar en bar. Fait que là, le premier bar, il était très attristé parce que sa journée était dure, mais au moins il savait qu'il y avait quelques journées pour récupérer, même quelques heures. Tu sais, 48 heures, c'est pas des jours. Ben, c'est deux jours, mais deux jours. Quand t'arrives chez vous avec ta femme, là, c'est plus des congés, c'est plus des vacances. C'est là que tout commence. Côté négatif, là, pas positif, négatif. Mais là, lui, il avait une petite lueur, là, tu sais, un petit 3-4 heures dans sa tête, là, parce que après, ça change. Il y avait un petit 3-4 heures où tout était positif. Bon, il commençait à prendre une petite bière, bon, il rencontre des amis, puis à l'époque, il pouvait fumer dans le bar, il fumait, puis ah ouais, donc ça riait. Ah non, deux grosses, ah ouais, amène-moi deux grosses, les deux grosses étaient là. Puis l'autre, la dame, elle disait, comment ça, elle a dit, c'est 2,50$, ça fait longtemps, hein, 2,50$ pour chaque bière, ben oui, pour chaque bière, parce que là, il donnait 5$, puis là, elle dit, hey, voyons là, le pourboire, ben oui, c'est pour boire, non, mais moi, pourboire, mais prends un peu de gorgée de bière, non, mais, c'est pas ça, comment tu me donnes de plus, oh, moi, je te donne 52, 53, non, non, pas mon âge. Parce que moi, je travaille au pourboire. Le pourboire, là, c'est un supplément que les clients nous donnent pour, parce qu'ils apprécient notre travail. Ben là, tu m'as amené deux bières. Je t'apprécie. Ben là, t'es habillé. Je t'apprécie. OK, si je t'envoie deux bières, là, par la tête, non pas par la tête. Si je t'envoie, si j'arrive ici, deux bières, et je suis nu, comment tu me donnes en pourboire? Oh, ben là, j'ai les boires, je change de bord. Hey, tu me trouves pas assez élégant? Je trouve, non, élégante peut-être pas. Ben chacun, ben, écoute, je te respecte, m'a donné 50 cents. 50? Qu'est-ce que tu fais avec 50 cents? Je ne vis que de pourboire. Ah, mon dieu. Ben là, pour manger, non, je serais pas méchant. Ah, écoute, m'a donné 2$. Ah, ça, c'est généreux. 2$, là, j'apprécie. OK. Les bois, c'est 2 bières. Puis là, il a vu que la serveuse et lui, ça allait pas très bien. Fait que là, on va aller au 4e bar parce qu'on pourrait faire ça de bar en bar. Mais notre émission ne dure pas 6 heures comme, malheureusement, le pré-radio-tour de CKRL a duré. Mais on sait pas, on va demander, là, faites-en pas, on va demander à CKRL, peux-tu étirer et rentrer en Canadienne? Parce que j'ai eu un auditeur avec Lowell, notre ami Lowell. Vous l'avez entendu, il y a peut-être 5-6 semaines en deux parties. Il était très intéressé, puis il dit, voyons donc, ça finit comme ça. Ben oui, mais là, j'ai juste 2 heures. Puis, veux-tu que j'arrête ma première heure où je fais des impro? Non, je lâche pas ça! C'est la locomotive! Et mon doux, il a tout compris à l'émission, lui. Puis, ça fait déjà juste. Ça fait même pas un mois qu'il écoute. J'ai quelqu'un qui comprend du premier coup. C'est un Québécois? Hey! Je m'en vais. T'sais, nous autres, on se fait radoter, on va être Québécois, on va être Québécois. On l'est jamais encore. On l'est pas, là. On l'est pas, on cherche. Mais c'est pas ça l'histoire. Fait que là, il s'en va à un autre bar. Tu sais, là, il commence à être, tu sais, feeling. Oh, feeling. Il est un peu feeling. Puis, il va aux toilettes. Je la fais-tu? Ah, non, ça peut être long. Je la fais pas, celle-là. Ah, non, je la coupe demain? Ben oui. Parce que là, sa femme va, il revient à la maison, puis sa femme, non. Mais enfin, il fait de bord en bord, puis pour trouver, à un moment donné, une raison de vivre, qui est sa charmante épouse, qui l'attend, avec un bon repas, son mets préféré, deux steaks hachés, mais c'est pas n'importe quel steak haché, là. C'est un steak haché mi-maigre, avec des oignons et des patates. Frites. Donc, avec des frites. Alors, deux rondelles de steak haché avec des frites. Mais si on fait le langage, si on utilise le lexique d'Errance Rénaldienne et de Rénal Gagné, c'est deux steaks hachés avec des frites. Quoique les steaks hachés, c'est pas toujours hachés. C'est, on les mange avant. Après, ben, c'est plus de notre ressort. N'est-ce pas, Edgar? Edgar! T'es là, là-bas. Single. maintenant un groupe explosif, le groupe Bernard. Des gens déjantés comme on les aime, les voici maintenant sur CKRL, le groupe Bernard. C'est pas un exemple. Mais t'es pas obligé d'arrêter si le gouvernement te le dit, c'est toi qui décides, hein? Bah tu rigoles ou quoi? Bah ouais. Bon bah bref. Ouais. Oh là là. Bah durant toute ta vie, tu dois préparer ta retraite, c'est ça. Il faut pas attendre après le gouvernement. On est une société qui tient à une seule chose, c'est que le gouvernement nous paye et... Ah ouais? Ben oui. Ah, tu penses ça, toi? Ben non, je suis convaincu. Ah merde! Ben oui, on infantilise le peuple et c'est bien parce qu'on les manipule plus facilement après. Ah d'accord, mais moi je suis pas payé par le gouvernement. Ouais, non, mais, moi, non, mais tes rentes, c'est qui va t'es offrir les rentes? Les derniers qui ont été virés du boulot, ils ont été virés par le patron et pas par le gouvernement. Non, non oui, ça je comprends. Oh, ça va mal finir. Ah non, pas vraiment. Mais en plus, aujourd'hui, il y a le suremploi, donc c'est pas compliqué de se trouver autre chose. Ah, il faut traverser la rue. Ben, pas traverser c'est la rue. Phrase de Macron. C'est ce qu'a dit notre président. Okay. Tu traverses la rue, tu trouves du boulot. Mais par contre, il faut quand même un costard. Mais ouais, ça ouais. va, tu te payes un costard. Ça va, Luc, par exemple. Ça va. Mais... Moi, j'ai marché dans le boulot. Mais l'image qu'on s'en fait, c'est vrai. C'est Luc qui pourrait. Si. Mais en tout cas, bref. Ouais. T'as le mot juste, par contre. Bref, arrête ton... Alors, le groupe, avez-vous déjà des chansons préparées pour les spectacles à venir ou si vous prenez... Si vous concentrez sur les trois pastilles qui existent déjà? On a trois CD. Il y a des chansons qu'on joue en public qui sont pas enregistrées. OK. Ah ouais. OK. Est-ce que c'est voulu que ça devienne à un moment donné des chansons sur disque ou si ça reste uniquement... C'est pas vraiment calculé, je crois. Pas calculé rien. Si ça arrive, ça arrive. Ouais. Bah, on aime bien. Et l'inverse jouer. Existe aussi. Hein, on aime bien jouer. S'il y avait que 10, on aimerait, on serait pas content. Oui, bien sûr. Ouais. Non, nous, les deux. Non, mais je veux dire, y a pas de, ouais, c'est non. pas calculé que y a pas cette chanson-là, il faut absolument qu'on l'enregistre parce qu'elle n'est pas enregistrée. Ou, okay. ou non, l'inverse, non, celle-là, elle est enregistrée, il faudrait qu'on la prenne pour la scène. C'est pas vraiment calculé. Non, mais dépendant, si les gens l'aiment bien, c'est peut-être un petit signe de la placer sur. Ouais, ça peut arriver, mais c'est vraiment pas trop calculé. C'est le cas de Sadie Carnot. Ouais, t'as raison. Ouais, on a fait un sondage effectivement. Et je sais que Sadie Carnot, on la bosse parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont dit qu'ils l'aimaient bien et que ce serait cool. Ah oui, tu vois. Donc mais, voilà, mais c'est pas systématique. Voilà, s'il y a des, s'il y a des retours, on va pas leur dire non, oui. non, elle est pas bien. Non, mais qu'est-ce qui est sorti de ce sondage-là? Ah, on voulait sélectionner 5 titres pour, voilà, pour un disque. Éventuel, ouais. Voilà, éventuel qui va peut-être quoi. Sortir. Qu'on a enregistré en tout cas. Voilà, avec une boîte d'édition, mais okay. on ne sait pas encore. Voilà. Mais c'est bon, en tout cas, on voulait choisir 5 chansons qui existaient déjà, okay. et on voulait avoir le retour du public. C'est lesquelles qui vraiment vous aimez bien, qui sonnent bien. C'était l'occasion d'un petit sondage. Ouais. Mais êtes-vous surpris des réponses ou non. ça totalement. Un peu, non, non. Si, mais la petite princesse, ça pouvait surprendre. Attends, je sais pas. Moi, je pas le sourire d'avoir été. Il y a des fois, on pouvait pas être tout à fait d'accord, mais globalement, c'était ouais, pas. Il y avait pas de révolution. Donc, c'était un peu. Vous saviez à quoi vous attendre. À peu près. Parce que sur scène, quand ça fonctionne bien, normalement, les gens qui vont être dans le sondage vont arriver au même constat. Mmh. Il y a quand même des morceaux qui sont globalement ressortis. Ok, ouais. Et après, on en a tenu plus ou moins compte parce qu'enregistrer, c'est pas pareil que jouer devant les gens. Ah, mais non, c'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'il y en a qui joue pas sur scène parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Ouais, toi. Ouais, c'est un autre exercice. Ça reste uniquement pour usage personnel. Ouais, ou pour. C'est différent. C'est une autre façon d'écouter la musique. Ouais, c'est vrai, ouais, par exemple, en enregistrement, on a mis sur certains titres, on a mis 15 cuivres. Enfin, j'exagère, 5 cuivres. Ouais, et puis bon, on va pas aller appeler une fanfare pour nous accompagner. Enfin, si, pourquoi pas, mais. C'est pas le but, tous les quoi. Jours, ouais, pas tous les jours, parce que c'est pas pareil. Voilà. Il faut se payer, quoi. Je pense qu'il faut pas forcément comparer les deux, en fait. Enfin, ouais. Voilà. Mais est-ce que c'est un passé bien de faire c'est appel vous êtes Bernard. C'est vrai. Attends, on est là incognito, là. C'est ouais, c'est ça. Pardon. Ne les votez pas trop. Ouais. Il y a Ferdi qui est passé. Le meilleur punk de sa génération. Ouais. C'est bien. Je suis contre la misère et contre la guerre. Sans hésiter, je veux signer de mon nom une pétition qui fera trembler les méchants de la terre, car je suis sincère, c'est rare dans le métier. Je suis chanteur des magots, je saute dans la peau. Je suis chanteur des magots, j'aime mon boulot, je peux pas me forcer. Je soigne mon image de petit garçon sage pour plaire à ta mère, que tu ne sois pas déçu. Je montre mon cul sur un grand poster et j'ai dans mon répertoire 3 chansons à boire conçues pour ton père. Je suis chanteur des magots, je saute dans la peau. Je suis chanteur des magots, j'aime mon boulot, j'ai pas à me forcer. Artiste, c'est pas un métier. Nous les artistes, c'est la passion. On fait rêver les gens. Moi je vois les enfants, je leur mets des étoiles plein les yeux si tu veux. Et les hommes de l'ombre, les techniciens, ça c'est un métier. Sans Jean-Louis je ne serais rien, Jean-Louis il me met dans la lumière, il me met en scène. C'est un type en or, Jean-Louis. Jean-Louis il est vegan, parce que Jean-Louis fait attention à la planète. Quelle planète tu vas laisser à ton enfant? Il a réfléchi. Un peu de vulgarité, si c'est bien dosé, ça fait populaire. Pour parvenir au sommet de la notoriété. se faire pendu coup de cuillère. L'unanimité. Si j'ai choisi la musique, c'est pour mon public et pour mes idées. J'en ai beaucoup à défendre, pas autant qu'à vendre. Il faut bien bouffer. Depuis le début de ma carrière, j'ai toujours été contre la misère, contre la guerre. Je suis chanteur des maigres, j'ai ça dans la peau. Je suis chanteur des maigres, j'aime mon boulot. Je suis chanteur des maigres, j'aime mon boulot. J'ai pas à me forcer. Ferdi qui a fait deux pochettes de disques de Ah oui, Berlin. Oui. Alors, ah oui, pas les albums, mais le disque de la commune. Ok. Et on a, okay, fait, on a okay. fait un disque de chansons de Noël, ouais, à nous, hein, écrite par Bertrand. Et qui est pas sur disque. Et par toi. Ah ouais, c'est vrai, à nous, ouais. Et qui est bon, pas bref, sur disque. Qui est pas sur disque, mais c'est complètement écoutable gratuitement en ligne. Ok, ah oui. Et ben, c'est deux espèces de mini-albums. La pochette, c'est Ferdi qui les a fait, qui est un super peintre. Ah, mais c'est bien. Éventuellement, est-ce qu'il va se joindre au groupe pour le prochain... On sait pas. Peut-être. On verra. Pour la prochaine pochette. On sait pas. Peut-être. Si on refait un truc de la un commune, truc un peu, on les à côté, ouais. La commune, c'est sûr. Spécial, ouais. Et le dernier morceau, c'était de lui aussi. Enfin, le deuxième, c'était pour lui, non? De quoi? Le dernier morceau du deuxième album, c'était l'instrumental un peu caché qui est à la fin du deuxième disque. C'était même une commande de Ferdinand. C'était une commande, il voulait un morceau instrumental un peu long pour faire une bande sonore d'une expo de sa peinture. Et puis, c'est comme ça qu'on l'a fait. Elle a été utilisée. Ah, c'est bien, c'est bien. Ok, c'est parfait. C'est parfait. Ta cheville ouvrière dans mon collimateur. Dis-moi si ta grand-mère fait du vélo, moteur. Les produits de la mer, les goûts et les couleurs. Dis-moi si ta grand-mère met de l'huile ou du beurre. À peine tiède, il faut battre le feu. Et comment va ta sœur? Dis-moi si ta grand-mère arrose ses fleurs. Pa-pa-pa-pa-da. Pa-pa-pa-pa-da. Je remets le couvert, je l'ai pendu à l'heure. Dis-moi ce que ta grand-mère met dans son carburateur. Il faut changer la chambre à air, on tiendra pas jusqu'à Honfleur. Dis-moi si ta grand-mère fait du vélo, moteur. Silence, on tourne un documentaire, y'a des ratons laveurs. Dis-moi si ta grand-mère a la télé couleur. Dis-moi, est-ce que ta grand-mère aspire dans un aspirateur? La fermeture éclaire, les oreilles en chou-fleur. Dis-moi ce que ta grand-mère raconte à son coiffeur. Dis-moi si ta grand-mère. Oh là, dis-moi si ta grand-mère. Oh, dis-moi si ta grand-mère a les yeux clairs. Oh, dis-moi si ta grand-mère. Oh, dis-moi si ta grand-mère. Oh, dis-moi si ta grand-mère aime Julien Clerc. Pa-pa-pa-pa-da. Pa-pa-pa-pa-da. Oh, dis-moi si ta grand-mère. Donne un pouvoir au serveur. Ou dis-moi si ta grand-mère est bonne. Ou de mauvaise humeur. Est-ce que vous en faites souvent des commandes ou c'est... Pour Ferdi. On a aussi fait, il a fait un jeu vidéo et on a fait la musique de son jeu vidéo aussi. Un jeu vidéo commercial. Un petit jeu vidéo qui est jouable gratuitement en ligne, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Puis vous faites la musique. Ouais, on a fait on s'est bien marré, c'était bien. Ouais, c'était bien. Oh. Et bien, est-ce que c'est différent? Ah oui. Là c'était pareil. La commande était particulière, on s'est conformé à ce qu'ils voulaient. Mais vous étiez combien là, pour le projet? Juste tous les deux. OK. Ils voulaient un son des années 80, tout dégueulasse comme Atari. Hein, pour les débuts, Mario Bros, c'est tout. Les Game Boy, les machins. Et donc on a pris une mélodie à nous, et puis on a utilisé des samples, des trucs. Voilà, pour... Et l'idée c'était de faire des toutes petites boucles, assez courtes, c'est vraiment des boucles. C'est la musique en boucle, limite énervante. Oui, le truc plus qu'énervant. Très court et en boucle, bon voilà. Ouais. Donc on est parti effectivement sur des mélodies de nos téléphone chansons, portable, on peut te les donner. Mais moi j'ai pas de téléphone intelligent, donc c'est encore à l'ancienne. Ah bah, flip-flop. C'est bien, bienvenue. C'est bien. Ben oui, attends, un flip-flop toi aussi. Ah bah t'es bien toi finalement. Non mais moi c'est d'accord, je suis au bout du compte. Ah oui, un flip-flop. Ah ouais, d'accord. Mais c'est tellement génial qu'Adrien Poli m'a demandé de lui en acheter un. Ah bien. Et je lui livre de vendredi. Ah d'accord. C'est quand même pas mal. Mais moi en tout cas je veux pas avoir d'ordinateur là-dessus. Ah oui. C'est fait pour appeler, un point c'est tout. Ouais, t'as raison. J'ai coupé le fil, donc c'est la seule. Non, maintenant ils font n'importe quoi, ils font des trucs. Ben c'est. Ouais, puis après on devient dépendant. Ils sont programmés pour mourir. Ça fait porte suppositoire, ça fait tout. Ben oui, il y a plusieurs de. Comme les imprimantes, c'est programmé après 2000 impressions. Fini. Oui. C'est fini, tu t'es obligé d'en acheter un autre. Donc c'est sur une liste, et puis tu peux choisir, en sachant la marque que tu veux avoir éventuellement comme imprimante, savoir si elle va être préparée à mourir après X temps. Ouais, d'accord. Mais c'est ça la consommation, c'est de faire un produit. Ouais, c'est les voitures. On pourrait peut-être faire une chanson pour tous les trucs qui meurent, les objets qui meurent. On n'a pas fini. Pour la surconsommation. Non, mais c'est vrai. Non, ça la même chanson à chaque fois. Mais ce serait comme la chanson d'anniversaire, il y aurait la chanson une petite chanson. La surconsommation. Petit cérémonial. Mon petit sextilo qui marche. D'accord. Peut-être avec une musique d'enterrement au début. Moi-même, j'avais une machine à laver. Ouais, c'est une idée, ça. Moi, je l'ai lavé. Ouais, tu vois, ça. Musique d'enterrement au début, puis après ça commence à être plus rythmé. Une ode à l'électroménager. Ouais. Absolument. Qui dure pas longtemps. Périssable. Ouais. Obsolescence programmée. On pourrait l'appeler comme ça. Exactement. Et il y a un site qui existe où tu peux avoir ton numéro de série. Tu regardes si ton serveur fait partie de ça. À quelle date ça va être mort? Ben, normalement, c'est à peu près ça, oui. Ça, par contre, c'est pas mal, parce que nous, on sait jamais la date de notre mort. Alors c'est pas marqué. Heureusement. Ah bon? Heureusement. C'est la seule chose. C'est marrant, l'étiquette sur l'orteil du bébé, tu vois. Ouais, date de péremption. Ouais. Ça serait rigolo. Ça serait morbide. Est-ce qu'on a investi sur cet enfant-là? Ben non, il va mourir à 8 ans. Laisse tomber. Ouais, 8 ans quand même. Non, il va être banquier. Si par hasard ça passe, faut pas trop dépasser la date. Non, c'est ça. C'est comme le lait sur le comptoir. À un moment donné, ça va. Ça fait déjà 15 jours. Mais attends, il va faire rêver ton enfant. On le programme assez jeune à devenir un humain. Il commence à faire des champignons. Oui, c'est ça. Il est plein de mycoses, là. T'as dépassé la date. On va le magasin. Ça, c'est un signe. Ils se sont peut-être trompés. Je caresse tes cuisses aussi douces que les pneus de mon camion sont lisses et fermes et soyeux. Tes paupières s'alourdissent, ça me vexe un petit peu. J'allume une cibiche et tu fermes les yeux. Les rayons du soleil ont réchauffé les bières qui sont bien alignées sur le siège à l'arrière. Je t'aime et tu t'endors dans le rétroviseur. Mon amour, j'ai pensé même au décapsuleur. Y'a plus qu'un essuie-glace depuis déjà longtemps. Ça fait rien, on se casse, il pleuvra pas vraiment. Les voitures nous départent tout en klaxonnant. Oui mais moi qui t'embrasse, je dois rouler doucement. Je relue que tes seins, j'en oublie le volant. La route est un ruban, les freins ça sera rien. Tout ce monde au balcon, à portée de mes mains. J'ai déjà fait le plein, t'es belle comme un camion. T'es belle comme un camion, t'es belle. Y'a du monde au balcon. Comme un camion, t'es belle. Y'a du monde au balcon. Comme un camion, t'es belle. Y'a du monde au balcon. Comme un camion, t'es belle. Y'a du monde au balcon. Comme un camion. Ne comptez pas sur nous pour les cartes postales. Les cendres jetées par la vie collatérale. Voilà les souvenirs que nous condescendons à vous offrir, car nous en avons marre des cons. Ça faisait un moment qu'on pensait se faire la malle. Alors décidément, j'appuie sur la pédale. Nous prendrons mon amour, les départementales. Nous partons pour toujours, mon amour, en cavale. J'évite les ornières, mais la bagnole décolle. Tu rouvres les paupières et tes cheveux s'envolent. T'es si belle que j'en perds l'usage de mes guiboles. J'en saisis, j'accélère au son d'un rock'n'roll. En hommage aux mensurations de ton giron, j'entends les ovations et les acclamations de la foule en émoi qui se mettent à l'unisson pour chanter avec moi, t'es belle comme un camion. Merci. T'es belle comme un camion. T'es belle. Y'a du monde au balcon. Comme un camion. T'es belle. Y'a du monde au balcon. Comme un camion. Ne comptez pas sur nous belle, pour les cartes postales. Les cendres jetées bord. La vie de latérale. Voilà les souvenirs que nous vous descendons à vous offrir. Car nous en avons comme art des cons. T'es belle. Je caresse tes cuisses comme un camion. T'es belle. Ça me laisse un petit peu comme un camion. On est chez Amat, c'est notre QG oui. Où on répète une fois par mois. Okay. Enfin, on répète, on joue devant les gens. C'est ça, concert, mais je crois que c'est une répétition. On fait un vrai concert. C'est un concert, mais on se permet de jouer des trucs qu'on joue pas d'habitude pour tester. Ils sont pas très au point pour voir si ça passe, tout ça. Okay. Comme Anne est très douée, bah, ouais. Là, pouf, ça passe. Et puis voilà. Alors, on va pouvoir entendre quelques extraits dans quelques minutes. C'était l'appel du pied que je te fais. Bah oui, non, je vois, non, mais j'ai senti. Parce que j'ai bientôt fini mon verre. Ouais, c'est ça, non, mais j'ai vu la ligne médiane que je pouvais pas lâcher. Non, Ah, puis toi, t'as soif. J'ai poursuivi. Dans bon. Enfin, comme tu veux. Hein. Alors, non, oui, il n'y a pas de problème. Quand même. Hein, j'ai aucun problème. Et puis, quelle chanson vous avez planifiée ou que vous allez planifier là? Ah, bah oui, je sais pas. Si, on sait à peu près, mais. Qu'est-ce que tu crois? On en fait une, deux, trois? Ben peut-être trois. Trois. J'avais 203. D'accord. Même alors, si vous êtes quatre. Ben oui. On se disait une chanson qui s'appelle Mon débit de boisson. Parce qu'on est dans un parce bar. Parce qu'on la fait toujours ici. Ok, voilà. Ok, ouais. Puis, on a dit des jours comme ça. Bah, si, oui, avec Anne. Ouais, et puis clarinette et tout. Non d'accord. Des jours comme ça, et puis une chanson de la commune. Et puis une chanson de la commune. Ok, oui. Qui s'appelle La Banque. La? La Banque. La Banque. La banque. Ah, oh, la banque. La banque. C'est pas mal, ça fait. C'est ça? Oui, parce que c'est un vol à merde. Ouais. Dans une banque. C'est un voleur qui va dévaliser une banque. Ah, oui, bah, c'est ça. C'est ouais. Ça. Bah, c'est ça. Ah, oui. C'est une apologie du braquage de banque. Parce que j'ai eu les disques. C'est bien. Ronald, il bosse bien. Il se documente. Mes micros peuvent lâcher, mais le gars essaye de motiver quand même la démarche pour revenir avec un intérêt quand même. Ouais. Donc, mais alors, comment t'as connu, toi, par hasard. Grâce à Facebook. Ah, c'est vrai? Oui. Juste par Facebook? Hein? Oui, ben, toutes les rencontres que je fais, c'est grâce à Facebook. Ah, oh, merde! Oui, oui. Ouais, ouais, on peut quand même... Non, pas toutes. Ah, mais là, je parle des rencontres radiophoniques, mais c'est... Mais, donc, oui, c'est oui. Ça. C'est un réseau énorme, ouais, ça marche. Donc, t'as écouté... Non, excuse-moi. Pardon? T'as écouté de différents trucs de Facebook? Enfin, Ben, en fait, j'ai vu le groupe Bernard, j'ai vu la pochette du premier disque, et là, je me suis dit, ah, ouais, c'est intéressant. Donc, je suis allé voir sur le site, sur un site, et puis là, il y avait des brides de chansons à écouter. J'ai écouté, genre, mais ça fait festif, ça fait internet. Je trouvais que ça ressemblait un peu, surtout le deuxième, au Wampass, par certains... Wampass, ah ben ça, c'est un compliment. C'est la première fois qu'on nous le dit, je suis ravi de son compliment. Je te l'avais dit aussi, c'est un compliment pour moi. Ah ouais, bien. Pardon? Ah oui, oui. C'est un compliment pour moi. Ah oui, oui. Tu ferais tout pour moi, t'es complètement gaga de moi. Tu ferais tout pour moi, t'es complètement gaga. Si je te demandais rien que tu n'oserais, mais je ne t'ai rien demandé, non jamais. Pas la peine d'insister, tu n'es pas le premier, encore moins le dernier lascar. Quand je vois ton grand blafard, ça me fait faire des cauchemars. Tu devrais te coucher moins tard le soir. T'en fais pas, j'ai compris, suis-moi tes insomnies. Tu restes là, transi, tant pis. Au début j'ai souri, tu m'as presque attendri. J'étais tout de ta vie, mais bon, j'y peux rien, c'est comme ça. Reste pas planté là, je ne supporte pas tout ça. Tu ferais tout pour moi, complètement gaga. T'es complètement gaga de moi. Tu ferais tout pour moi, complètement gaga. T'es complètement gaga de moi. T'es mon nain de jardin, un clébard, un larbin. Rien dont je n'ai besoin, non de rien. Remballe tes cadeaux, tes bouquets, ton auto. Où est ton cœur d'artichaut, c'est trop. Du balai, s'il te plaît. Non, c'est une expression, ne passe pas le balai. T'es con. balai, s'il te plaît. Non, c'est une expression, ne passe pas le balai, t'es con. Tu ferais tout pour complètement gaga. T'es complètement gaga de moi. Tu ferais tout pour complètement gaga. T'es complètement gaga de moi. Quand je pense à ton nez, au milieu de ta figure, il me vient des idées de bavure. Au cyanure. Je dirais pas à mon oncle Serge parce que là on, ah, on si, avait si. Parlé la dernière fois. Ah oui, c'est pareil, c'est, oui, c'est oui, un oui, très oui, grand oui. compliment. Ben, écoute. Pendant le confinement, on a fait un truc avec lui. Oui, je sais. Ouais. Ah, c'est un bon, moi, j'adore. Un bon de là-bas quoi. Mon oncle Serge, ouais, c'est mon oncle Serge. Quoi, ça, ça tue. On a fait un truc avec lui pendant le confinement. On a fait une reprise de Bala Marine, on l'a enregistré avec lui pendant le confinement à distance. Bah, il joue de la contrebasse, il faut. On peut voir les vidéos, les vidéos existent. Tu lui passes à. La vidéo existe. Là, sur notre YouTube. Et c'est vrai que j'ai jamais vu sur. J'ai jamais trop regardé les trucs du confinement. Moi, mon oncle Serge, c'est quelqu'un que j'ai vu en concert quand j'étais ado. Et c'est génial. Et son répertoire, il le développe soit en version un peu chanson, soit en version vraiment rock. Soit carrément, maintenant, il a un groupe de métal, quoi. Ah ouais, et quand on dit métal, vraiment métal. Avec le groupe Anonymous. Avec Anonymous, qui est un groupe de métal québécois qui. C'est ça. Totalement. Ils sont rendus à 14-15 albums et c'est uniquement du métal. Comme ça actuellement. Je les gars, ils se à la pêche à mon style. Non, j'ai rien contre Sting. Il nous fait chier, là. Ah oui, bon. Ah non, moi, je vraiment la pêche à mon style. Non, ouais, c'est vrai. Ah non, mais Serge, pour moi, ça représente vraiment. Ah oui, d'accord. Mais c'est. Mais ce gars-là aussi. Il est drôle, il se prend pas sérieux. Il est très sympa. Ah génial. Je t'aime quand tu me regardais, que tu me disais oui. Je t'aime quand tu restais au lit, que tu me souriais. Je t'aime quand tu me téléphonais, que tu ne me prévenais pas. Je t'aime quand tu restais chez moi, que tu me déshabillais. Je t'aime quand tu savais me dire les mots. Je t'aime quand tu voulais te remettre au piano. Je t'aime quand tu m'attendais seul dans ta maison. Je t'aime quand tu aimais écouter mes chansons. Je t'aime quand t'aimais mes défauts, que tu me trouvais beau. Tu m'ôtais mes chaussures, tu soignais mes blessures. Tu retirais les fléchettes que j'avais dans le dos. Tu lavais mes chaussettes, tu brossais mon chapeau. Que tu aimais mon chat, ah, ah, ah, ah, ah. Je t'aime quand tu disais je t'aime, que je ne te croyais pas, ah, ah, ah, ah, ah. Je t'aime quand tu m'aimais, que t'embrassais mes yeux. Je t'aime à l'imparfait quand je te coupais les cheveux. Je t'aime quand tu lisais les livres que j'aimais. Je t'aime quand tu riais, je t'aime quand tu pleurais. Quand tu me surveillais comme sur le feu le lait. Je t'aime quand tu dormais, moi je te regardais. Je t'aime quand je t'attendais seul, que tu n'étais pas là. Je t'aime quand tu faisais la gueule, quand tu n'importe quoi. Je t'aime quand tu m'aimais, que t'embrassais mes yeux. Je t'aime à l'imparfait quand je te coupais les cheveux. C'est lui qui envoie les disques qu'on lui demande. Il a sa boutique en ligne. Il gère tout. C'est lui qui va chercher les salles dans lesquelles il va jouer. Il prépare ses tournées en France. C'est lui qui frappe aux portes et qui est 100% pour son entreprise. Et on était était programmé pour faire sa première partie au Petit Bain sur sa tournée française qui devait avoir lieu il y a 3 ans, je crois. Ouais. Et en fait, tout a sauté à cause du confinement. Ouais. C'est tombé pendant le Covid. Ouais, normalement, on devait faire la première partie de mon Serge au Petit Bain. Ouais. Moi, j'étais hyper content. Je sais même plus comment ça s'est fait d'ailleurs, cette histoire de première partie. Si. Enfin, bon, bref. Non, mais ça peut être aussi l'histoire. Voilà. Mais non, là, je sais très bien, c'est quelqu'un qui travaille pour un tourneur. Il marche très très bien en France, un gros tourneur de musique alternative. Et en l'occurrence, c'est lui qui fait tourner mon oncle Serge quand il vient en France. Okay. Et en fait, cette personne-là nous connaît et nous avait proposé à, attendez, ça peut coller, je vais vous mettre en plein. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais, mais vrai. Ça a sauté à cause du Covid. Bref. Mais en même temps, il est tellement accessible, c'est pas compliqué, tu lui manques, il dit oui. Et c'est comme ça, du coup, on l'a contacté pendant le confinement en disant, bah attends, Serge, la date, elle a sauté, vas-y, viens, on se fait un truc à distance, et c'est comme ça qu'on en fait la marine avec lui. Ouais. Parce que son nom réel, c'est Serge Robert. Robert. Son prénom c'est Serge et son nom c'est Robert. Robert. Et pourquoi on l'appelle mon oncle Serge? C'est parce qu'il était en tournée avec le groupe Les Colocs, un groupe qui n'existe plus. Les Colocs, parce que le leader s'est suicidé. Il s'est fait harakiri. Il y avait un harmoniciste aussi. Pardon? Vous avez un harmoniciste aussi. Oui. Lui il est mort du sida. Ouais. Un Italien. Yeah. Ils t'écoutent pas les gens, qu'est-ce que tu crois les gens? Qu'est-ce que tu crois les gens? Ils t'écoutent pas les gens, chante un peu plus doucement. Tu vas gêner les gens, est-ce que tu crois vraiment que ça peut plaire aux gens? Tu peux toujours chanter, qu'est-ce que tu crois les gens? Ils n'en ont rien à secouer, ils t'écoutent pas les gens. Les gens, ils t'écoutent pas les gens. Faut qu'on y aille. Alors, oui. Bah écoute. Alors ton Tarama, franchement, nous super. Bah c'est très, non, a... très sympa. Non, franchement, il y a rien. Parce que ouais, c'était vraiment. On en a d'autres. En fait, on pourrait. Mais là, on va y aller. Non, mais. Non. Oui, oui, non, mais là c'est bon. Non, par contre, on en fait une autre après, mais on voit ça au beau jour, là. On se fait un truc dans le jardin, avec un barbecue. Oui, bah, très bonne qu'est-ce idée. Pense, voilà, un barbecue. Très bonne idée. Il y en a une tente marrante, elle est pas loin. Là, elle est pas longue, Non, mais c'est gentil, Non, c'est très gentil, Mais là, franchement, faut qu'on y aille. Bon, merci. On vous raconte. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup encore. Une très belle soirée. Vraiment, une très belle soirée. Ah, oui. C'était très beau. Oui. Non mais là on est désolé mais faut absolument qu'on y aille là parce que. Il est tard. Oui, quand même. Excellent. Qu'est-ce que je veux dire On en a plusieurs, mais par exemple on pourrait en faire une dernière. Une petite dernière de rien. Non, mais là on essayait, on est parti là. Enfin, c'est très sympa, on apprécie beaucoup, hein. Y a aucun problème. Mais là, à cette heure-là, faut qu'on y aille. Mais par contre, sans aucun problème, on se fait un barbecue dans le jardin, il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a aucun problème. Dans le jardin. D'accord ? Ah oui, oui. Il n'y a aucun souci. Merci. Allez, encore une bonne soirée à vous. Et merci, c'était très sympa. Hein. Merci, au revoir. Hein. Nous ne sommes doués pour rien. On prend les transports en commun. On va chez le dentiste, chez le médecin. On est normaux. On est moyen, ni les niveaux, exceptionnel en rien. Moi qui ressemble à mon grand-père, j'aimerais pouvoir me gratter les particules héréditaires. Oui, mais il est mort à la guerre, la bouche pleine de camembert. Il était né sans qualité, j'ai pas d'aïeul décapité. Comme il était philatéliste, j'aurais les timbres en héritage. Comme il était coureur cycliste, sa pompe à vélo Peugeot en partage. Toi qui ressemble à ma grand-mère, qui était de loin la plus belle des filles de Villers-sur-Mer. Oui, mais elle est morte avant-hier, sans avoir connu l'adultère, et depuis longtemps grabataire, toujours fidèle à mon grand-père. Comme elle était danseuse de tango, t'auras les disques et le poney. Comme elle était dactylo, t'auras les buvards du bureau, et le plus beau de ses stylos. Nous sommes doués pour rien, on prend les transports en commun. On va chez le dentiste, chez le médecin. On est normaux, on est moyens. Ni les niveaux, exceptionnels en rien. Et là, l'histoire veut qu'ils étaient dans un restaurant et tout le monde commandait. Ben moi c'est un steak, qu'est-ce que tu veux avec ton steak? C'est comme accompagnement. Des frites, et toi mon oncle Serge, des patates. Et toi Serge, des patates. Oh un vrai mon oncle, hein? Hein, mon oncle Serge, tu veux des patates? Oui, fait que depuis ce temps-là, on l'appelait mon oncle à cause du fait qu'il voulait avoir des patates au lieu des frites. Ah, c'est vrai. Ah oui, c'était comme ça. Et, comme les autres, oui. Ils disent ça plutôt que des frites. Il a une chanson qu'il a fait, c'est bon des patates. Qui parle un peu de cette histoire-là de mon oncle Serge. Pourquoi il est devenu mon oncle à cause de ses patates. Voilà. Ah, mais il a bien raison. Parce que selon le groupe Les Colocs, pour manger des patates, il faut être un peu mon oncle. Donc vieux jeu. C'est une expression québécoise alors mon oncle. C'est un peu mon oncle. Ben non, c'est pas une expression québécoise, mais être un oncle, c'est être quelqu'un peut-être. Non, c'est ben, pas du tout. Mais avec lui, c'est devenu. Non, mais avec lui, c'est il devenu. Il a inventé un truc. Ah, ouais. Ben, c'est marrant. Juste son surnom, mon oncle Serge, c'est assez particulier. Ah ouais, mon oncle Serge. Puis c'est resté très peu de gens connaissent son véritable nom. Serge Robert, mais. Ben ouais. Non, mais c'est pas mal, ça va bien avec le bar. Oh oui, puis. Allez, mais, juste savoir, est-ce que vous allez vous placer là? Non, on va se mettre dans le bar, on va dans le bar. Ok, alors je déplace mes trucs. Okay. Détendre la musique et puis okay. On va jouer avec les gens. Est-ce qu'ils veulent? Oui. Ah oui, ils sont au courant. Ok, ouais, parfait. Bon, s'ils veulent pas. De toute façon, on le fait quand même. Je crois qu'il y a assez de. Toute la nuit, du fond de son lit. Du fond de son lit, tandis que son mari pétrit. Marie pétrit, la boulangeuse rêve en secret. Rêve en secret de son épicier. Le boulanger a son pétrin. à son pétrin. Les rendus vilains veillent au grain. Il veille au grain. Il va lui-même chez l'épicier. Chez l'épicier. Chercher les navets. La boulangeuse est amoureuse. La boulangeuse de l'épicier. L'épicier, quant à lui, était pris. Il était pris du boucher. Et puis un soir qu'elle n'y tient plus. Elle n'y tient plus. La boulangeuse sort dans la rue. Sort dans la rue. Elle quitte la boulangerie. Boulangerie pour l'épicerie. Qu'elle n'est pas alors sa surprise. Sans surprise. Lorsqu'elle aperçoit l'épicier. L'épicier au fond du sac. La main prise. La main prise. Avec le boucher. La boulangeuse. Et ta main. La boulangeuse. De l'épicier. L'épicier, quant à lui, était pris, il était pris du boucher. Lorsque piteuse, elle s'en revient. Elle s'en revient. Elle trouve un mot de son mari. De son mari. Un mot qui dit je suis parti. Je suis parti. Avec l'apprenti. À toutes les boulangeuses qui rêvent d'un jour d'un épicier. D'un épicier. Qu'elle puisse d'abord s'assurer. S'assurer qu'il n'est pas pédé. Oh, ah, oh, oh, la boulange est amoureuse de l'épicier. L'épicier, quant à lui, était pris, il était pris du boucher. La boulangeuse est amoureuse de l'épicier. L'épicier, quant à lui, était pris du boucher. La boulangeuse est amoureuse de l'épicier. L'épicier, quant à lui, était pris du boucher. S'accorde, qu'on sorte les instruments, tout ça, oui. Ça va prendre 5 bonnes minutes. Oh, il n'y a pas de problème, oui, oui. Oui, oui. Est-ce que vous voulez vous accorder ici? Non, mais ça, on s'en fout. C'est juste par rapport à tes micros. Ah, il n'y a pas de problème. Si ça tourne toujours, ça, il ne va rien se passer pendant 5-10 minutes. Quoi. Pas de problème. Non, mais je vais faire un montage là-dessus, là, quand même. Non, non. Non, on fait quand même un mini montage là-dessus, là, quand on se déplace avec les Bernard. marrant. Le plus gentil tout le temps, le plus intelligent des gens. Tous les jours, elle me dit bonjour, elle me dit mon amour. Elle me dit. Tous les jours, elle me dit bonjour, elle me dit mon amour. Elle me dit. Tous les jours, elle me dit bonjour, elle me dit c'est toi le plus bourré. Réalité. Moi, ça soit sur mes genoux. Bisous dans le cou par tous les jours. C'est la femme de ma vie, celle qui me délasse. Oui, dégueulasse. Elle m'embrasse, elle me masse. Elle m'enlace, elle me passe tout. C'est une chanson qui date de la commune de Paris, avec musique à Bernard. Mais Bertrand, il va vous expliquer mieux que moi. Ouais. Bah non. C'est l'associé. T'as tout dit. Non, c'est pas ça. Okay. C'est pas celle-là. Camarade consommateur sur un texte. Bernard sur un texte de Jean-Baptiste Clément et une musique à Bernard. Une propagande pour le braquage de banque. Pour l'apologie des braquages de banque. La jamais des bons enfants. C'est tout ce que ça vous fait. La jamais des bons enfants. En principe, l'apologie du braquage de banque, vous dites ouais. Voilà. Ouais. Donc ça fait. Voilà des mois qu'on ne fait rien. Cependant, comme un galérien, on arpente la capitale et sans une foute à ranger. Mais c'est en abat, la générale, à la croupe du boulanger. La faim a gagné nos faubourgs. Ça ne peut pas durer toujours quand nous en prendrons du pain. C'est pas possible de leur dire, nous en donnerons demain. Le travail manque, il est grand temps. Les enfants, hey hey. D'aller faire un tour à la banque. Bonjour, et en étant des fées, tant que tout le monde piétillon, jamais la litière. On allonge jusqu'au drap de lit et on a bon pleuré misère. Les marchands de forte crédit. Ne serait-il pas plus moral pour mieux remédier au mal de troubler un peu l'existence. Les crises et les ailleurs qui nous condamnent à l'abstinence. Le travail manque. Hey, le travail manque, il est grand temps. Les enfants, les enfants. Hey, hey. D'aller faire un tour, d'aller faire un tour, d'aller faire un tour à la banque. Maintenant aussi. Hey, hey. Tandis que nous ne vivons pas d'ouvrir un petit peu le grand livre de ce que nous faisons bien libre. Il paraît que les financiers, les commerçants, les éveillés sont logés à la même enseigne. Faillite à qui le mieux, les pauvres gens, le cœur m'enseigne. Si nous pouvions faire comme tous les gouvernements des femmes ont bien contracté les emprunts, puisque la crise est générale, obligeons les à partager. Prenons l'argent là où il y en a. Le travail manque, hey, le travail manque. Il est grand temps. Les enfants, les enfants, hey, hey. D'aller faire un tour, d'aller faire un tour, d'aller faire un tour à la banque. Le travail manque, il est grand temps. Les enfants, les enfants, d'aller faire un tour, d'aller faire un tour, d'aller faire un tour, d'aller faire un tour, d'aller faire un tour à la banque. On en fait une dernière, on en fait une dernière avec toi, Abdel. Ouais, si tu veux. T'as raison, on va aller à mes bars. Abdel. Venez, venez en bar là tout le monde. En fait, il y a un monsieur qui vient de Québec qui s'appelle Reynald. Il fait une super émission la nuit sur une radio de Montréal. Donc le jour de Québec. Et il a ramené ses micros. Donc venez près du bar là, tout le monde. Vive le Québec libre! Je vous ai compris! Allez, on s'arrête ça! Si tu veux tourner les micros dans le sens, c'est bon. Ah merde! Pour un son pour Ahmed! Pour Ahmed, pour Fouad, pour Abdel! Bravo! Bacaté! Je regarde passer les gens à l'abri des intempéries. C'est ça la vraie vie. J'ai mon journal et mon sous-boc, mon impression, mon paquet de clopes. Parfois je me fais des cacahuètes et là c'est la fête. Je connais très bien le patron. Il m'appelle par mon prénom. Même si vous gagnez. Et puis d'ailleurs on se tutoie. Et ça c'est sympa. Je suis le meilleur au flipper. Je me défends pas mal au baby. Oui madame. Je console des chambres. Quand j'en ai. Monsieur, oui, madame. quand j'en ai envie. Faites des bruits pour Luc, s'il vous plaît. Comme disait Abdel le serveur, la la la, pas plus tard qu'avant-hier soir, la la la, la si c'est pas ça, c'est la, quoi le bonheur? Ah, au grand toit, la salle au statut d'habitude, la la la, en place au fond la, réservé, la la la, ici personne pour la, me parler. Le meilleur moment de ma journée, c'est quand Abdel vient m'apporter le verre que je lui ai pas demandé. Ici, on me connaît. Les copains, ça vous nous trompez. Je pénètre mon territoire. J'offre toujours un petit golet. Je sais recevoir. Le soir en train du charbon, je n'y fais rien, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. Je me m'en débite, je me m'en débite au bois, je me m'en débite, je me m'en débite au bois, je me m'en débite, je me m'en débite au bois, je me m'en débite, je me m'en débite au bois, je me m'en débite, je me m'en débite au bois, je me m'en débite de boisson, je n'y fais rien de rien. Assemblée. Merci. À poil sur le comptoir, Bernard. Mes chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.